La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. En ce moment de... La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladoux, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladoux sur 227 6e avenue à Dolbeau-Missassigny vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladeau au numéro de téléphone 418-276-4888. Tombe, les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouffrance. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block. 1670, boulevard Wahlberg, en face du restaurant Mike's. 418-276-8025. On va parler de golf avec notre ami Kevin Fortin-Simard qui a annoncé une belle nouvelle selon le journal Le Quotidien. Sous la plume de Joanne Saint-Pierre ce matin. Kevin qui va faire un retour à la compétition. Et on lui parle. Salut Kevin. Salut. C'est Kevin, je me trompe pas en disant que finalement, quand tu avais décidé de te retirer il y a quelques années, tu n'avais pas mis une croix définitive là-dessus, hein? Si je me rappelle bien, hein? Non, c'est ça. Ben, en fait, je pense que dans les... Écoute, il y a peut-être, depuis que j'ai arrêté de jouer à temps plein, il y a peut-être deux saisons que j'ai pas joué de tournoi, là. Fait que ouais. Forcément, j'ai toujours essayé de garder un petit peu la forme puis de rester un peu dans ce giron-là de compétition. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc, j'avais jamais vraiment fermé. J'avais pas mis un X là-dessus, là. Ça avait jamais été comme définitif. Hein. OK. Qu'est-ce qui t'aurait fait rallumer la flamme? En fait, c'est que tu l'as déjà perdu. Ben, en fait, tu sais, ce qui m'a fait, dans le fond, ça fait quand même déjà quelques années, là, que j'avais le goût de recommencer puis de retenter un peu ma chance, peut-être d'une autre façon. Il est arrivé un paquet de choses entre-temps qui ont fait en sorte que, bon, ben, aujourd'hui, ça se prête mieux à ça qu'il y a quelques années. Donc, c'est un peu quelque chose d'un travail, un peu de longue haleine, un peu de voir quand, puis tu sais, c'est de le faire, puis je suis pas toute seule là-dedans non plus, ouais. Une famille, puis il faut que les choses se mettent en place pour pouvoir faire un truc du genre, là. Donc, puis bon, cette année, l'année qui s'en vient va pas se prêter à ça. Hein. OK. Dis-moi, c'est quoi, là? C'est le PGA Tour, c'est-tu la même PGA que... C'est-tu le même circuit que Pierre-Alexandre Bédard? Non, hein? En fait, ce que Pierre-Alexandre a joué au cours des dernières saisons, puis là, Pierre-Alexandre, si je ne me trompe pas, a certainement joué un tournoi sur le circuit bon que je vais tenter de qualifier l'an dernier, là, mais le circuit qui est comme ce qu'on appelle le Canada Pro Tour est vraiment opéré plus au Québec et en Ontario. Ouais. Donc c'est ce que Pierre-Alexandre a joué pendant le temps plein, puis c'est dans ce circuit-là que j'ai joué à l'occasion là, dans les dernières saisons aussi. Moi, ce que je vais essayer de qualifier, puis normalement, justement, je pense que Pierre-Alexandre tente sa chance aussi là, d'année en année là, d'essayer d'avoir un statut sur ce circuit-là. C'est vraiment PGA Tour Canada qui remplace l'ancien circuit canadien que j'avais joué moi dans une de mes premières saisons comme pro. Ça a grossi pas mal, c'est vraiment rendu international de par son affiliation avec le PGA. Là, fait que c'est rendu maintenant une avenue pour avoir des droits d'accès vers le web.com qui est anciennement le Nichamoyd, là, puis après ça, bon, la PG. Donc c'est vraiment tout rendu dans le même cercle, tout est ensemble maintenant. OK. Si on parlait un peu de comment tu vois ça les prochaines années, est-ce que c'est on va y aller année après année, année par année, ou bien vraiment ton objectif c'est de faire le plus possible, autrement dit, c'est peut-être mieux qualifié pour le PGA Canada et par la suite peut-être aller sur le web.com, c'est ce que tu as fait? Ouais, ben tu sais, dans le fond, j'ai un objectif à court terme qui est d'essayer de qualifier pour ce circuit-là, puis après ça, on verra où ça va mener. J'ai pas fait de plan vraiment long terme, moyen terme par rapport à ce qui s'en vient. De parce que, bon, il y a la famille, je le fais pas tout seul, donc je n'ai pas fait que, bon, je prends ma valise, puis je pars d'une semaine à l'autre, puis je reviens une fois de temps en temps, là, donc on part en famille, puis on va le vivre un peu ensemble, donc c'est un peu aussi un petit trip de vie, là, en même temps. Le premier 6-7-8 semaines là, que je vais partir, donc vers la fin de l'hiver, printemps, va déterminer un peu de bien des trucs pour après ça l'été. Là. Donc avec le statut, est-ce que je vais jouer sur quel circuit, qu'est-ce qui va arriver après ça pour l'été. Donc je dirais que peut-être qu'en mai, j'aurai une meilleure idée après ça de qu'est-ce qui s'en vient. Puis suite à la saison, vraiment, c'est là qu'on verra qu'est-ce que ça va donner pour la suite des choses. Donc j'ai pas vraiment de. C'est fait là. Pour 2019, il n'y a pas de, il y a pas d'attente, puis il y a pas de, écoute, je me suis pas engagé envers moi-même que j'embarque là-dedans pendant 10 ans, là, c'est pas ce que c'est vraiment, mais je me retrempe, puis je me retrempe pas à moitié, là, ça c'est sûr. Donc j'imagine que tu es déjà à l'entraînement. Je suis à l'entraînement depuis pratiquement la fin septembre, en fait. J'ai joué deux tournois justement là sur le circuit Canada Pro Québec là, à la fin de la saison, donc à la fin septembre. C'était un peu dans le but de justement recommencer un peu à puis justement aligner un peu mes trucs. Puis oui, j'ai une petite équipe qui a commencé à me suivre. J'ai commencé à structurer pas mal. Faut que je suis à l'entraînement depuis déjà. Faut que je me remette un petit peu en forme. Il y a bien des petites choses que je connais que ça prend pour être capable de. Bon, carburer une semaine, ça va, là. Carburer pendant plusieurs, ça, c'est un autre, là. Donc, je suis là-dessus. La période tranquille avec la saison qui s'est terminée à fin octobre me permet de le faire, là. Donc, je suis en train de prendre contrôle sur tout ça. J'ai eu des gros changements aussi au niveau de mon alimentation. Donc, il y a plein de petits changements, là, qui s'embriquent tout vers la saison prochaine. Est-ce que s'entraîner dans l'hiver, il y a du golf virtuel qu'on appelle, là, qu'il y en a un à Saint-Pré même de ça. Est-ce que ça peut faire, ça peut aider? Non, pas. Est-ce que ça peut aider? Ça, tu sais, ça reste, c'est ce genre de machine-là, si on veut. Ouais. Et ça demeure un peu une genre de jeu virtuel comme un Xbox ou un PlayStation. Ouais, okay. On se trouve à vraiment faire l'élan, là, mais ça reste des machines, donc c'est pas vraiment ceux qui vont jouer au golf virtuel pour tout se dire que ça fait pas, c'est pas la même affaire que de jouer dehors. Je fais pas beaucoup de frappe de balle à l'intérieur. Je fais un peu de maintien. Je suis pas, tu sais, dans le fond, ça serait bien différent si je m'étais dit, il faut changer un paquet de trucs dans mon élan pour être capable de bien jouer l'an prochain, ce qui n'est pas le cas, là. Donc, je veux juste maintenir, essayer d'être en forme où j'ai fini ma saison en décollant l'an prochain. Fait que je suis pas en mode, je transforme plein de trucs, là. Faut juste, je suis bien plus en mode de faire des répétitions puis juste de mettre la machine en marche. Mais, ça n'empêche pas que je vais frapper dans des filets, là, mais je pratique beaucoup, potting, surtout à l'intérieur, donc je l'air en maison aussi, là, que je suis capable de faire, mais c'est assez limité quand même. OK. Tu es directeur général encore du club de golf Lac-Saint-Jean, donc à Alma. Est-ce que ça donc j'imagine que c'est ça devient à demi-temps, c'est ça? Ben, tu sais, demi-temps, c'est bien difficile, tu sais, il n'y a pas de... On n'a pas dit, bon, c'est 50%, c'est comment, tu sais, c'est... Ouais. J'ai pris à peu près... On est estimé que ça va représenter peut-être la moitié des charges de travail, des tâches que je faisais. Donc, une structure qui est mise en place là présentement là pour le nouveau fonctionnement pour l'année prochaine. Bon, avec sa distance, ces trucs-là que j'avais déjà, donc je vais opérer différemment, forcément. Puis ça va être une petite année de transition. Puis on va apprendre tout le monde un peu là-dedans, sauf que... on le fait pas sans avoir croyance que ça va fonctionner. Là, je pense que j'ai de là-dedans. On a eu ces discussions-là, puis j'ai eu la confiance du CA là, pour mettre ça en marche. Puis on va essayer d'opérer ça de la meilleure façon possible, puis je suis bien confiant qu'on va réussir à le faire. Au niveau financier, je sais qu'il y avait une gang de monde qui t'avait aidé lors de ta première carrière. Est-ce que c'était quand même une bonne somme? On voulait vraiment te pousser vers les plus hauts sommets. Est-ce que tu vas être à la recherche de commanditaires de ce côté-là ou bien tu es correct? Ben ça, c'est ce qu'il y avait eu dans le temps ça avait été épuisé, si on veut. Donc ça, s'il était en commandite, si on veut, a été fermé là, suite à quand j'avais arrêté. Est-ce que je vais être en démarche? Je vais avoir des démarches, oui, j'ai un petit plan de préparer, je vais être là-dedans. Je voulais faire les choses dans le bon ordre aussi, là, donc je voulais que tout ça soit officiel, puis que tout le monde soit au courant, de par le CA, après ça, les membres au club de golf, puis après ça, les gens du coin, là, donc avant de commencer à approcher à gauche puis à droite, mais je vais avoir besoin du support financier, oui, pas à la hauteur de ce que j'avais dans le passé, là. Je le fais vraiment d'une manière qui est bien différente. Il faut savoir aussi que les choses ont beaucoup évolué, tu sais, dans le monde, que ce soit juste du voyage, là, tout simplement, dans les années où faut pas reculer si longtemps que ça, là, mais je me rappelle encore que quand j'ai commencé à jouer professionnel, là, les Airbnb de ce monde, ça n'existait pas, là. Donc, ça a changé beaucoup. Écoute, je remplissais encore des contrats de location de condo par fax, là, dans le temps. Là. Fait que le voyagement a changé beaucoup. Après ça, l'accompagnement, le partage de dépenses avec d'autres joueurs. Donc oui, je vais avoir besoin d'aide un petit peu, mais pas à la hauteur du passé, là. OK. Ben Kevin, on va te souhaiter la meilleure des chances. On va te suivre de très, très près également pour la saison 2019 sur le PGA Canada. Et au plaisir de se parler. Et joyeuses fêtes. Merci, mon cher. Kevin Fortin-Simard qui nous parlait de son retour à la compétition en 2019.